Bonsoir, vous êtes dans les coulisses de Bérénice sur Radio Web Passion. Ce soir, c'est une émission spéciale. Nous abordons le métier de régisseur et j'ai choisi Michaël Tillet pour nous en parler. Il nous reçoit chez lui à cause des horaires du couvre-feu et de la situation sanitaire. Je souhaite bienvenue dans les coulisses, Michaël. Bonjour, bonjour et bienvenue à la maison. Merci. On dit Michaël ou Mika du coup ? Écoute, je crois que ça fait au moins 20 ans que j'entends plus Michaël. Et maintenant, c'est plutôt Mika, ouais. Donc, on va rester sur Mika. Allons-y. Ça marche. Donc, tu nous reçois chez toi, comme je l'expliquais. On est super bien installés dans ton petit salon, canapé, thé, café, au coin du feu. Exactement, au coin du feu. On est bien. Il fait bon vivre. En tout cas, je te souhaite la bienvenue chez moi. Merci beaucoup. Alors donc tu as accepté donc cette invitation de parler du métier de régisseur, mais moi je veux tout savoir sur toi déjà, donc je te le dis. Et donc je sais que tu es originaire d'Orléans, si j'ai bien compris à la base. Allez, perdu, hop, ça commence, pouf, perdu. Je suis originaire de, on va même rentrer vraiment dans le détail, donc je suis originaire de Chevilly, et ça je te l'avais pas dit. Voilà, je suis originaire de Chevilly et l'école Chevilly, Artenay, le collège, l'école de musique, JD. Voilà, je suis vraiment le canton, quoi. Alors, pour connaître un peu ton parcours, bien le comprendre et évoquer aussi ton activité actuelle, on va parler dans une première partie de ton parcours musical. Ta vie d'avant, quoi. Voilà. Donc, quelle est ta genèse par rapport à ton parcours musical ? Ça a commencé par quoi pour toi ? Alors, en gros, c'est très très simple et à la fois très compliqué. Musicalement, ça commence à 6 ans avec l'école de musique, la découverte de la formation musicale, donc le solfège. Très vite, la trompette. Donc, je prends des cours de trompette à l'école de musique à JD, je pars à Artenay. Ça me plaît énormément, donc j'intègre le conservatoire. Donc là, on est, j'ai 15 ans quand j'intègre le conservatoire, en parallèle avec le lycée. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je découvre un univers à la base des orchestres d'harmonie, donc quelque chose de plutôt village. Les fanfares, ce milieu-là qui est quelque chose de vraiment très familial. Et si je veux continuer la musique, on m'impose un peu le fait d'être obligé d'aller vers ce conservatoire. J'y vais pas à contre-cœur, parce que pour moi c'est quelque chose de très grand, prestigieux, j'y vais. J'intègre la classe de Jean-Paul Leroy, qui est un professeur de trompette d'une très bonne réputation, et surtout qui était un élève de Maurice André. Maurice André, très grand trompettiste. Et je suis vraiment à la classe. Donc là, je suis dans un système, on va dire, de l'ancienne école, alors qu'on est quand même dans le début des années 2000, enfin 2000-2010, et je suis vraiment dans un truc à l'ancienne, très élitiste, et on va pas se mentir, je tiens 4 ans au conservatoire et je lâche tout, parce que c'est pas du tout ce que je recherchais. Malheureusement, pour pouvoir, de là où je venais, de ma petite campagne, pour pouvoir avancer dans la musique, j'avais pas le choix que d'aller vers ce conservatoire. Et je le quitte très vite pour intégrer des ensembles de musique actuelle, où là, je trouve exactement ce que je voulais, c'est-à-dire une obligation de qualité musicale et de travail, mais dans un style et dans une méthode qui est beaucoup plus proche de ce que je recherchais. Donc en fait, tu as acquis déjà une discipline ? Une formation qui est plus dans la plus disciplinaire à la base, plus scolaire, plus académique, et ensuite tu bascules sur la partie un peu plus musique actuelle, qui est pas du tout beaucoup moins, on va dire. Dis-moi ce que t'en penses, hein, un peu moins quand même académique, où on se forme aussi beaucoup sur le terrain, dans beaucoup de domaines, hein, dans beaucoup de métiers. Toute cette expérience de vécu que tu as eue plus jeune, t'a servi aujourd'hui, il te sert encore, j'imagine. C'était une base pour toi. Ça a scellé des bases, un ciment, quoi, un peu. Ouais, énormément. En gros, sur le côté académique, effectivement, tout le côté classique du conservatoire impose quelque chose de effectivement d'académique, de très scolaire, de rigoureux et vrai, mais même quelque chose à l'époque. Maintenant, ça a changé. Hein, je crache pas sur sur les conservatoires, mais il y avait quelque chose qui était malsain, où on était dans une espèce de compétition. Moi, j'étais à la fin de cette période-là parce que j'ai eu des professeurs, parce que j'ai été entouré de gens qui étaient encore dans ce truc-là. Aujourd'hui, ça a changé. Mais c'est vraiment pas ce que je recherchais. Et dans la musique actuelle, il y a une rigueur qui est tout aussi importante, mais qui n'est pas basée sur les mêmes fondements. Il n'y a pas cet esprit de compétition. On travaille déjà pour un spectacle, on travaille pour un show, on ne travaille pas pour obtenir des résultats qui, finalement, pour moi, ne veulent rien dire. Voilà. Mais effectivement, ça a amené une rigueur. Et même si je n'ai pas acquis cette rigueur pendant la période du conservatoire, aujourd'hui, je sais de quoi on parle quand on parle de rigueur. Je suis obligée de te demander quel âge t'es pour qu'on ait un repère quand même. Alors là, je vais bientôt avoir 30 ans. Bientôt, tout bientôt. Donc ça, c'est la première question tabou. Elle est posée. C'est absolument pas tabou. Bien au contraire, j'ai toute la vie devant moi. Et non, c'est pas tabou. J'ai 30 ans, je suis fier d'avoir 30 ans. Et surtout, je suis très fier de pouvoir faire le métier que je fais là où j'en suis en ayant seulement 30 ans. Alors, tu vas nous raconter la suite. On va se faire une pause musicale, hein, puisqu'on va écouter... j'ai choisi l'accent, excuse-moi. True Story. True Story de Ibrahim Malouf, qui est que de l'instrumental. On en discute après, d'accord ? Après la pause musicale. À tout de suite dans les coulisses avec Mika Tillé. Thank you. Vous êtes à nouveau dans les coulisses de Bérénice pour une émission spéciale régisseur. Donc j'ai invité Michael Tillet, on dit Mika maintenant, entre nous, ça y est. Donc on était en train, en fin de première partie, de parler du basculement vers la musique actuelle. Et donc j'aimerais que tu puisses un petit peu me développer la partie où justement tu es rentré en musique actuelle, comment ça s'est fait. Et le déclic, en fait, il a été où pour toi, de musicien, le basculement vers le métier de régisseur, où tu peux me parler avant du basculement, voilà, comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là? Tu avais à peu près quel âge, rappelle-moi? J'avais 18 ans. 18 ans, c'est le moment où j'intègre plusieurs groupes de musique actuelle, où je suis amené à faire des petites tournées de concerts. Voilà, c'est le début où je découvre un peu le statut d'intermittent, je m'y rapproche un petit peu. Voilà. En gros, le déclic qui se fait, on va être très honnête, hein, transparent, c'est dans les coulisses, donc on y va. Le déclic qui se fait dans un moment un peu sombre, un peu noir, où la musique actuelle, pendant un an et demi, deux ans, je vais l'aborder, on va dire, un petit peu trop jeune, à peine assez mature, et le côté festif qu'il peut y avoir dedans, je vais le prendre un peu trop au sérieux, et je vais goûter à des choses de la vie qui sont pas très saines et qu'on n'a pas besoin forcément de développer, et c'est ce qui va me faire un peu le déclic de me dire, mince, je crois que je suis en train de passer à côté de mes études, à côté, je crois que c'est finalement pas ça que je voulais, ce que je voulais c'était faire de la musique, et là je découvre des facettes un peu trop noires. Ça, moi, je le mets sur le compte de l'immaturité à ce moment-là et d'avoir voulu croquer la vie un peu trop vite. Et je vais faire une passerelle à ce moment-là entre l'artiste qui est sur scène, artiste, on le prend au second degré quand même, mais j'étais du côté artistique, et je vais faire une passerelle vers le côté régie où je vais aller faire un peu de régie son, un peu de régie lumière, parce qu'on m'en donne l'occasion. Donc au début, c'est vraiment pour pousser des boutons et découvrir ce truc-là. Et là, il y a un vrai déclic, parce que je vais découvrir un autre moyen d'avoir la même adrénaline sur scène, enfin que j'avais sur scène. Je vais avoir la même adrénaline en étant en régie, et là, je m'aperçois que c'est vraiment ça qui me plaît. Regarder les gens sortir de la salle en appréciant le son, la lumière, ces choses-là, tout en étant dans l'ombre, avoir la même adrénaline. Et ce choix-là, voilà, c'est vraiment un déclic qui se fait à ce moment-là. Et petit à petit, donc j'ai 19 ans, je vais aller sonner un peu aux portes des sociétés de prestataires du spectacle de la région. Je vais aller voir des gens qui sont vraiment du métier et à qui je vais demander de me former. Donc ils vont me transmettre une partie de leur savoir. Le fait d'y aller de manière... opportuniste et vraiment de leur demander une transmission et pas forcément une formation, mais une transmission, de me parler de leur métier, de me l'expliquer. Et j'y suis allé avec vraiment un esprit très très ouvert, et j'ai eu des gens en face de moi qui m'ont vraiment raconté comment ils en étaient arrivés là, et ils m'ont donné des vrais conseils, ils m'ont parlé du métier, et je me suis formé sur le tas. Et puis, de fil en aiguille, de réseau en réseau, le réseau est très important aussi, avec beaucoup, beaucoup de motivation et un concours de circonstances, on va dire un peu de chance dans tout ça, les bonnes rencontres au bon moment. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec des artistes assez conséquents, mais c'est vraiment un concours de circonstances, de chance, c'est plein de choses mises dans le même panier qui permettent d'arriver à l'étape à laquelle j'en suis aujourd'hui. Est-ce que ton expérience de musicien t'a servi pour être régisseur ? Aujourd'hui, je crois que c'est la ligne de mon CV qui me donne le plus de jobs. Aujourd'hui, quand j'explique aux gens quel est le fondement de mon métier, c'est d'accompagner des artistes. Pour les accompagner correctement, il faut au maximum connaître le métier d'artiste, en connaître les bons et les mauvais côtés. Et j'ai connu les bons et les mauvais côtés. Je sais ce qui est stressant, donc ce qui va être mon job en tant que régisseur, c'est d'amener le plus de confort possible aux artistes, de leur enlever ces charges qui sont un petit peu, on va dire, des points noirs de la journée, des moments de stress, des choses comme ça. Le fait d'avoir fait ce métier de musicien, alors à petite échelle par rapport aux artistes avec qui je travaille aujourd'hui, mais c'est quand même un plus. Je sais de quoi on parle, je peux discuter de musique aussi avec eux, puisqu'aujourd'hui, le contenu de mon métier, c'est quand même de faire le lien entre l'artiste et les équipes techniques. Donc c'est très important de très bien connaître les métiers de la technique et les métiers de chaque musicien, toutes les facettes. Et plus on a un CV rempli comme ça de différents postes qu'on a pu occuper dans le spectacle, plus aujourd'hui c'est intéressant et c'est facile d'avoir la main sur la logistique générale. Merci, parce que là tu as été très très synthétique. Hein. Oui, je vois ça. Très... Donc, bah écoute, super. En tout cas, autre question que je voulais te poser la question. Comment on vit de ce métier? Bon, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais bon, bref, en tout cas, mis à part cette période un peu compliquée, comment on en vit? Comment on peut en vivre, en tout cas? Alors, effectivement, on va faire la toute petite parenthèse micro sur en ce moment. On ne vit pas de ce métier, malheureusement, on en survit. Et c'est valable pour tous les gens du spectacle aujourd'hui. Malheureusement, il faut un peu survivre, même si le gouvernement nous a un petit peu aidé sur un maintien de nos acquis. C'est quand même compliqué aujourd'hui. Après, en dehors de cette période, vivre de ce métier, je crois que c'est possible. C'est compliqué, il y a des concessions à faire. Il faut vraiment... Faut connaître cet univers pour comprendre. Avant de parler de savoir si on peut en vivre, est-ce qu'on a envie de vivre de ce métier? Il y a cette facette-là qui est très importante parce que aujourd'hui, travailler dans le spectacle, ça implique des horaires qui sont compliqués. Et c'est pas des horaires à la journée. C'est moi, pour vous résumer, en gros, quand je pars travailler en tournée avec un artiste. Je pars 3 semaines, je reviens pendant quelques jours, je repars 3 semaines, donc ça m'a fait partir 1 mois et demi, 2 mois, je reviens 3 semaines, je repars 1 mois et demi, et j'ai une amplitude horaire par jour qui est d'environ 15 heures de travail. C'est-à-dire, du moment où j'attaque ma journée, où je la finis, il y a à peu près 15 heures qui se sont déroulées, et après, on va dire en temps de sommeil réel dans la journée, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'ai choisi, on ne me l'a pas imposé, je l'ai choisi. Je travaille en plus dans le milieu de la tournée, c'est-à-dire qu'on a des déplacements qui sont un peu plus conséquents que dans d'autres domaines du spectacle vivant ou que du spectacle. Voilà, ça c'est un choix. Et avant de savoir si on veut en vivre, c'est-à-dire pouvoir manger sur cette activité, il faut se poser la question, est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on a conscience des concessions que ça va demander? On va pas se mentir, en travaillant en tournée comme ça, en faisant, on va dire, entre 90 et 150 dates, donc 150 concerts par an à ce rythme-là, il est un petit peu difficile de fonder une famille, d'avoir d'avoir des points d'accroche vraiment solides quelque part. On va pas tomber dans le cliché de dire qu'en tournée on a des vies de dépravées, que c'est compliqué, etc. Mais c'est vrai qu'on a des rythmes qui sont un peu, si on le vit pas, c'est un peu compliqué de comprendre ça, quoi. Et après, dans tous les domaines du spectacle, que ce soit le spectacle vivant, l'accueil, la prestation, l'événementiel, voilà, ça reste des jobs, des métiers hein, qui sont compliqués en termes d'horaire quand même, en termes c'est des métiers qui sont pour la plupart physiques, et puis voilà, c'est pas des métiers faciles. Après, en vivre, je crois qu'aujourd'hui, oui, c'est possible. Est-ce qu'il y a du travail pour tout le monde? Sûrement. Maintenant, il y a des choix à faire. Merci. Moi, j'ai une question toujours par rapport à ce que tu viens de dire. Sais-tu combien il y a de régisseurs ou en Ile-de-France ou en France? Est-ce que tu as des chiffres ou pas du tout? Et ma deuxième question, est-ce qu'il y a des femmes? Est-ce que c'est un métier de femme? C'est quand même physique, comme tu disais, mais est-ce que tu en vois? Alors, sur les chiffres, je suis très mauvais sur les chiffres. Ça, c'est la partie, tu vois, école où je suis pas allé, j'ai pas suivi tout ça, les maths, donc ça, non. Non, sérieusement, les chiffres, je les connais pas. Même le nombre d'intermittents en France, tout ça, c'est des chiffres, on les entend. Et puis, de toute façon, ça ne voudrait rien dire. Ce qu'il faut juste se dire, le chiffre qui est important, et je vais d'ailleurs pas vous le donner, mais je vais le sous-entendre, c'est que derrière un artiste, il y a un certain nombre de régisseurs. Il y a un certain nombre de techniciens, il y a il y a plein de petites mains aussi, des bénévoles, faut dire le mot. Il y a aussi des gens qui nous font à manger, il y a des gens qui nous conduisent, donc qui conduisent les bus, les camions. On a en gros, un artiste, c'est souvent entre 50 personnes, directes ou indirectes, qui travaillent pour lui, à 500 voire 1000 personnes pour un événement qui vont travailler dessus, les gens de la communication, ce qui va permettre de le voir un peu partout. Donc aujourd'hui, savoir les régisseurs en eux-mêmes combien sont-ils en France, je ne saurais pas le dire. Mais en tout cas, le chiffre important, c'est de savoir que derrière un artiste, il y a beaucoup de monde. Et ta deuxième question portait sur les femmes. Alors les femmes, oui, c'est un métier de femme, le métier de régisseur, donc de régisseuse. Les métiers de technicien, de technicienne sont aussi des métiers de femmes. On en voit de plus en plus. Le métier le plus physique dans le spectacle vivant, c'est ce qu'on appelle les rodes. En gros, pour expliquer simplement, on a des camions à décharger le matin, on a des choses très physiques à faire toute la journée. On appelle ça des roads par rapport au terme anglais de la route, parce qu'en gros, c'est des gens dans le passé de ce métier qui prenaient la route en début de saison estivale, souvent en moto, les bikers, et partaient de festival en festival pour faire le montage, le démontage, etc., etc. Et ça marchait comme ça. Donc aujourd'hui, on appelle ça encore des roads, les roadies. Aujourd'hui, dans une équipe de road, moi, on va utiliser les termes qu'on utilise, au cul du camion le matin quand on décharge, je vais avoir des fois une dizaine, voire une quinzaine de road qui vont être là. Je peux avoir 4, 5 femmes facilement et il y a vraiment ce côté macho qu'on peut avoir dans d'autres métiers, ici n'existe pas. Parce que à partir du moment où on rentre dans cette salle, c'est vrai que dans ce métier, il n'y a pas de sexisme. Moi, je le vois pas. Et c'est pas parce que j'ai un petit regard innocent ou quoi, on le voit pas. Des femmes, on en a partout, qui font tous les métiers de régie, de technique, des artistes, des roads, que ce soit dans les bureaux, dans les labels, partout. Je crois qu'on a une parité qui est plutôt pas mal. Après, il y a encore du travail forcément sur certaines choses. Je peux même pas vous dire au niveau des salaires si on a une disparité ou pas. Je ne crois pas, parce qu'on est dans les métiers du spectacle, on a une grille tarifaire qui en gros ne prend pas en compte ce genre de choses, ne prend même pas en compte l'ancienneté ou ça. C'est vraiment, on travaille, on est payé à la journée et on a des salaires. C'est universel, on va dire. Alors après, on peut être payé plus ou moins en fonction des employeurs et des événements, mais sur le côté homme-femme, je crois que là, vraiment, on n'a pas de différence. Et nous, on ne le voit pas. Après, ça peut être le problème du cinéma, mais je fais pas de régie dans le cinéma. Merci. On va se faire une deuxième pause. Donc, on va écouter Manu Katché. Et j'ai choisi Bacchou. Je ne sais pas si tu connais ce titre-là. Oui, Bacchou, c'est Manu Katché and the Scope. Alors, un tout petit mot sur Manu Katché and The Scope. Alors, The Scope, en fait, c'est le dernier groupe de Manu Katché que j'ai eu la chance d'accompagner sur la route pendant quelques années. Le titre Bacchou, ça doit être, et je le dis, c'est une hypothèse, je pense, puisqu'il s'agirait, à mon avis, du show de la Bagueterie qui a eu lieu l'année dernière. Donc, je pense qu'il y a eu un titre qui en est ressorti, effectivement, la Bacchou. Avec donc Manu Katché and The Scope. Et voilà, j'ai travaillé pendant 2-3 ans avec Manu. On est arrivé sur la finalité de cet album ensemble. Moi, je l'ai emmené sur la route. En gros, Manu l'a créé. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir l'emmener sur la route. Et voilà, du coup, ça me fait plaisir de réentendre ce titre. Bonne écoute, hein. À tout de suite. Thank you. Is a masterpiece in the puzzle. Just be good at what you're doing. When you do it, just do it right. The heart of the universe beats inside each one of us. We the sky and the earth. We all the same. We cry, we laugh, we die. We eat, we beat, we dance. The sample of your blood is the same as mine. It's red. Vous nous rejoignez dans les coulisses de Bérénice. On est avec Mika Tillet, qui est régisseur. Et donc, je voulais revenir sur le titre que j'ai annoncé, puisque j'ai dit une petite bêtise. Donc, vous venez d'écouter Manu Katché. Et donc, le titre, c'est Vice. C'est ça? Ça s'écrit V-I-C-E. C'est ça. Donc, j'ai dit une petite bêtise. Donc, j'ai promis, je ferai la correction dans la foulée. Donc, Mika, on a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Par rapport à ton activité, mais est-ce qu'on peut revenir sur les deux titres qu'on vient d'écouter? Donc il s'agit de Manu Katché et puis également d'Ibrahim Malouf, puisqu'on a écouté également True Story. Donc est-ce que tu peux nous parler rapidement de ces deux artistes qui sont importants pour toi, ta carrière aujourd'hui, et puis ceux que tu as rencontrés aussi ou que tu croises aujourd'hui et avec qui tu travailles? Eh ben, avec plaisir. Donc, pour revenir sur ces artistes-là, le début de cette histoire, en gros, c'est en 2015. Je raconte la petite histoire, je le fais vite, mais je l'aime bien. En gros, en 2015, j'ai la chance de me retrouver sur une tournée localement, donc en région centre, avec un prestataire à qui je demandais depuis très longtemps de m'emmener en tournée. Il me dit, c'est impossible, nous on ne gère pas de régie de tournée, c'est un peu ton rêve, mais nous on n'en a pas. Et un jour il m'appelle, il me dit, c'est bon, on a la tournée d'une radio, dont on ne citera pas le nom, bien qu'elle soit relativement locale également. Je pars en tournée, on fait des concerts un peu à droite à gauche. Je rencontre un régisseur avec qui ça se passe très bien et je découvre que c'est le régisseur d'Ibrahim Malouf. Et là, on va dire que j'ai quémandé un peu. Je lui demande de m'emmener absolument en tournée avec Ibrahim, qui est un artiste que j'appréciais beaucoup. Il me dit c'est impossible, on part dans 2 mois, j'ai toute mon équipe. Il n'y a pas de raison. Désolé mon petit gars, mais il n'y a pas de place pour toi. Il me met en contact quand même avec d'autres productions qui m'appellent, qui me proposent, je vais dire la vérité, Aaron, 250 dates sur l'année 2016. Et je ne sais pas pourquoi, j'adhère pas forcément à cet artiste et un peu, c'est peut-être un peu capricieux, mais je dis bah non, en fait, c'est pas le moment. Le 1er décembre, je crois que le régisseur d'Aaron me rappelle en me disant c'est bon, j'ai augmenté le prix, on a vraiment besoin de toi pour aller faire de la chauffe, donc conduire un peu les camions, faire de la lumière, tout ça. Un poste qui me plaisait plutôt bien. Et encore une fois, je lui dis bah en fait, non, je sais pas pourquoi, c'est non. Et le 3 décembre, c'est le jour du départ de la tournée d'Ibrahim Malouf, le régisseur me rappelle en me disant « Voilà, je viens d'avoir un problème avec un des chauffeurs. Si tu es dispo, tu peux le remplacer. » Et voilà, c'est juste pour 4 jours. Et je le remplace 4 jours. De là, on me propose d'intégrer l'équipe Lumière à la rentrée suivante, donc en mars 2016. J'intègre l'équipe Lumière. Avant l'été, on me dit qu'il n'y aura plus de travail pour moi parce que l'été, on n'emmène pas de lumière sur la route. Et finalement, dans mes relations avec Ibrahim, on discute pas mal et il me demande de prendre la régie du plateau, donc la régie de scène. Et puis voilà, de fil en aiguille, en décembre 2020, j'ai le poste de stage manager, donc la direction de scène à Bercy. En décembre 2016, ouais, c'est ça, décembre 2016, et puis voilà, depuis donc fin 2015, je travaille avec Ibrahim Malouf. Ça m'a effectivement ouvert quelques portes de production, de choses comme ça. Donc, c'était ça dont je parlais, ce petit concours de circonstances et cette chance, les bonnes rencontres, le bon feeling au bon moment. Juste après, la production de Manu Katché m'appelle en me proposant le poste de tour manager. Donc c'est la régie de l'artiste, le management de la tournée, donc pour la tournée de Manu Katché. De là, je vais avoir la chance de travailler avec, on va dire, les artistes qui entourent un peu Manu Katché, puisque Manu me propose et me présente surtout à ses amis musiciens. Donc je vais travailler avec Richard Bonnat, je vais travailler avec Kezia Jones, un petit peu avec Vianney, je vais les avoir en tournée en fait sur des petits moments, voilà, je vais accueillir Marcus Miller, je vais voilà, des artistes comme ça, aussi avec Charlie Couture où j'ai fait une bonne partie de l'année 2019 ou 2018. Et voilà, en gros, ces artistes là, si j'ai eu la chance de travailler avec eux, c'est pas forcément parce que j'étais meilleur que mon voisin régisseur. Je crois que vraiment, faut l'assumer, il y a un côté... c'est pas un piston, c'est un concours de circonstances de rencontrer les personnes au bon moment, de se faire présenter. Et puis, bon, après, si on garde le job, il y a quand même une histoire de c'est qu'on convient au métier. Mais je veux dire, à la base, on aurait pu être juste 2 personnes sur le truc. Il n'y avait pas de raison que ce soit moi, plus que le fait de se faire présenter au bon moment à la bonne personne, quoi. Voilà. Super, en tout cas super, super aventure de vie déjà. Moi j'ai une question un peu personnelle dans le sens où quel conseil tu pourrais donner à ceux qui veulent s'orienter vers cette activité-là ? L'activité de régisseur ou vraiment par rapport à la tournée ? Par rapport au métier de régisseur. Les conseils, c'est on va dire la réussite. Pour réussir dans ce métier, c'est effectivement de connaître les jobs des voisins. Le job de régisseur aujourd'hui, il a une facette très large. Il y a des métiers, on peut être régisseur son, régisseur lumière, régisseur plateau, régisseur. De toute façon, tous les métiers peuvent être régis par un régisseur. Les métiers du spectacle. La réussite de ce métier, c'est de humblement de connaître tous les métiers des voisins pour pouvoir. C'est un métier logistique, c'est-à-dire qu'on fait de la technique, mais on a une logistique au sein de sa propre régie, au sein du spectacle, au sein de l'événement, au sein du lieu. il faut connaître autour, et ça demande un peu de travail, de la compétence technique. C'est pas juste la passion de la musique ou du son. Y a quand même, c'est quand même un métier avec des formations. Aujourd'hui, on peut se former. Nous, on a la chance, pas très loin d'ici, d'avoir un organisme de formation qui s'appelle les formations d'Issoudun, en région centre. Très bon centre de formation. Après, la meilleure formation, je vais être très honnête et je leur tire un peu une balle dans le genou aussi, mais la meilleure formation, c'est sur le tas. C'est la plupart des régisseurs avec qui je travaille, au fondement de leur métier, ont appris ça dans leur chambre, avec des lampes de chevet pour les régisseurs lumière et avec leurs petites enceintes de bureaux pour les régisseurs son, quoi. Et c'est vrai que c'est comme ça que ça commence. Et du coup, je vais dire ce mot, mais c'est une passion. On est forcément, enfin, la plupart des régisseurs sont des régisseurs passionnés et qui ont commencé comme ça. Après, ça demande beaucoup de travail. Il faut se tenir informé et puis au fait des nouvelles technologies. Aujourd'hui, ça va très vite. Les métiers qui étaient très manuels dans le spectacle aujourd'hui sont de plus en plus technologiques. Donc, il y a une grosse partie de formation là-dessus. On en a. J'ai cité les formations d'Issoudun pour les formations un peu générales du spectacle, mais sur la région d'Orléans, on a plein de formations autour du son, autour de la lumière, sur des gens qui le font, des studios, des petites assos, des organismes. Et tout ça, c'est accessible à tout le monde aujourd'hui, puisqu'il y a tous les niveaux de formation. Maintenant, ça demande quelque chose d'un peu particulier, et là, je m'arrête dessus, c'est l'honnêteté. Ce métier, il demande à être honnête avec les autres sur son niveau de compétence, sur ce qu'on sait, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire, et d'être honnête avec soi-même aussi. C'est un métier qui est difficile, il faut bien se connaître, parce que j'en parlais tout à l'heure, au niveau des amplitudes horaires, du sommeil, c'est des choses où ça peut faire rigoler, que ce soit, on va dire, dans les attentes de ce métier, mais c'est quelque chose d'hyper important. Moi, quand je travaille avec des équipes, avec des gens qui se connaissent bien, on est 10 fois plus efficace et on travaille très peu, on a la sensation de travailler très peu dans la journée. Donc, beaucoup de travail pour réussir dans le métier de régisseur, bien connaître les autres, être honnête, et puis la bonne étoile, quoi, la bonne rencontre au bon moment, avec la bonne personne. Parfait tout ça. Donc, faut que les planètes soient alignées, quoi, tout simplement. Moi, j'ai dans les dernières questions, je voulais savoir si tu rêves encore, si tu as des projets qui te font encore rêver, puisque tu as déjà fait beaucoup de choses. Tu as déjà un parcours admirable, en fait, hein, qui est un peu, à 30 ans, on va dire. Qu'est-ce qui te fait encore rêver ? Alors là, en ce moment, c'est pas compliqué, c'est juste de voir du public, puisque malheureusement, en ce moment, les rêves qu'on a, c'est de voir réouvrir certaines salles de spectacle, même avec des protocoles très stricts. Mais je crois que c'est vraiment très important de ramener ce sourire, ces applaudissements. C'est des choses, je pense pas qu'on puisse les oublier, mais ça me fait un peu peur quand même. Donc ça, j'en rêve. Après, de manière plus personnelle, bien sûr que je rêve encore à des concepts différents, toujours de travailler avec d'autres artistes. J'ai pas de rêve particulier, de fantasme musical en ce moment. Je crois que ma tête est prise, et il faut être très honnête, je crois, par la situation actuelle. Le vrai rêve, malheureusement, oui, c'est vraiment que ça reprenne. Après, je pense qu'une fois que ça aura repris, et ça va reprendre, hein, que tout le monde soit rassuré, mais c'est juste qu'on ne sait pas quand. Après, une fois que ça va repris, on va avoir de nouveau des rêves de choses encore plus grandes, encore plus belles, qui brillent, des choses un peu sympas. C'est un peu enfantin, mais c'est aussi grâce à ça qu'on tient sur la route. C'est d'avoir ce truc, cet espoir de choses nouvelles. Et puis, c'est le fond de notre métier, c'est tous les jours de s'adapter à des environnements nouveaux, à sortir de cette zone de confort qu'on peut avoir. Et c'est toujours la satisfaction qu'on a en fin de journée, c'est ça. Donc je crois que ce que je rêve aujourd'hui vraiment, c'est que ça reprenne. Et puis à quoi je rêverai plus tard, c'est une fois que ça aura repris, c'est de remettre un peu de d'étoiles et tout ça encore plus grand, encore plus fort et avec du bon son. Alors, bon, très bien, si tu rêves toujours, c'est déjà bien. Il faut continuer à rêver. Donc, moi, j'ai regardé sur les tournées, les prochaines tournées d'Ibrahim Malouf. J'ai vu qu'il était à Bercy à la fin de l'année 2021. Donc, tu y seras? Alors, Bercy 2021, évidemment, je vais y être. On a la chance d'avoir, et là, je vais parler au nom de mon équipe technique avec qui je travaille avec Ibrahim. On a un patron qui est ambitieux. C'est vraiment un patron, c'est un ami, mais ça reste un patron. Patron de son label, patron de sa musique, de son univers. Et on a quelqu'un qui est très ambitieux en face de nous quand on discute. Et je dirais même, je viens de faire une erreur, pas en face de nous, à côté de nous. On a quelqu'un qui est ambitieux et qui a pris le parti il y a quelques semaines d'annoncer ce Bercy, puisque ça fait, on va dire, un an et demi qu'on travaille dessus, qu'on espérait le faire à cette date-là. Malheureusement, l'année 2020 s'est annulée. Et Ibrahim a pris le parti de maintenir en cette fin d'année le concert à l'Accor Hotel Arena. S'il l'a fait, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça va se faire. En tout cas, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas, puisque s'il y a possibilité de réserver cette salle, on doit y aller. En tout cas, on a une équipe de musiciens qui est dans les starting blocks, on répète quand on peut, une équipe de techniciens qui est en train d'adapter au maximum la tournée, parce que on va malheureusement pas pouvoir repartir dans les mêmes conditions dans lesquelles la tournée s'est arrêtée en 2020. Mais on y travaille, on va y être. Bercy 2021. Moi, je crois que je sais à quoi je rêve. J'espère qu'on reprendra avant. Mais des fois qu'on ne reprenne qu'à l'automne 2021, je me dis que ça pourrait être un énorme concert si c'était un des premiers à reprendre dans une très grande salle comme ça, dans une si grosse jauge. Qui approche, en gros, quand on fait un Bercy, on approche les 20 000 personnes dans la salle. Et c'est vrai que c'est assez chouette. Donc je crois que c'est ça le petit rêve de 2021. Très bien. Bah, écoute, sur ces bonnes petites paroles, on va se quitter. Je vais te remercier, à moins que tu aies autre chose à peut-être... Non, c'est moi qui te remercie en tout cas de t'être déplacé, d'être venu ici. Et puis souhaitons un bon lundi soir et une bonne semaine pour ceux qui nous écoutent, à tout le monde. Merci de m'avoir accueilli et de t'être livré et d'avoir répondu à toutes mes questions. Une expérience hyper riche. Donc, on aura peut-être l'occasion de se recroiser à d'autres émissions pour d'autres, peut-être, émissions spéciales dans les coulisses parce que tu as beaucoup de choses et tu as beaucoup d'expérience. Donc, merci encore et on te souhaite une bonne reprise d'activité et puis de plein de gros kiffs. Et avec des chouettes artistes. Voilà. Donc, au revoir, Mika. Allez, bonne soirée à tous. À très bientôt.